De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet et on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages, toujours en compagnie de Noémie. Comment ça va ? Ça va bien et toi Yves ? Ben ça va bien, Noémie, qu'on retrouve bien sûr, tu as un site, hein, c'est des outils de Noémie. .fr, ouais. .fr, facilitatrice relationnelle. Oui. Et aussi présente sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez me trouver sur Insta, Facebook et LinkedIn. Et depuis pas mal de chroniques maintenant, tu nous aides à régler les conflits, en tout cas à les appréhender différemment plutôt que dans l'émotion. Oui, ou alors les accueillir, effectivement. Ou les accueillir. La semaine dernière, tu nous avais parlé bien du cadre. Oui. Qui parfois simplifie aussi le règlement des conflits. Oui, voilà, ça permet d'apaiser beaucoup de choses. Le cadre, se souvenir qu'il existe et qu'on peut s'appuyer dessus, ça sécurise beaucoup les gens. Mais quand on est au cœur du conflit, de la crise, un voilà. Autre outil peut-être ? Quand on est bien dans la crise, par exemple, il y a une phrase clé, hein, c'est d'entendre de quelqu'un, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais tout. Personne ne m'aide, tout le monde est contre moi ou des choses comme ça, alors que ce soit dans le contexte du couple, au travail, etc. Si on est en train d'utiliser des mots aussi extrêmes, c'est qu'on a basculé en termes d'émotion justement et on va dire de recul par rapport à la situation. Mmh. Et là, c'est un indicateur qu'on est en crise. Voilà, donc, le curseur, il est dans le rouge. Voilà. Et quand on est en crise, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, si nous, on est dans le rouge, hein, si on s'aperçoit que c'est nous qui sommes mal et qui utilisons ces mots-là parce qu'on est en souffrance, ben c'est important d'essayer de faire baisser son émotion. Hein. On a parlé, il y a plusieurs chroniques au tout début, de comment je fais quand j'ai une tempête émotionnelle. Et ben, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, j'essaye de respirer, j'essaye de m'éloigner et j'essaye de ne pas vouloir résoudre le problème ici et maintenant. J'essaye de me dire, ah ouais, en fait, non, je ne suis pas dans un état, même si l'autre personne, elle est calme. Et c'est réussir à se rendre compte de ça, que la solution ne va pas pouvoir être trouvée dans cette situation-là. Donc, il faut commencer par quoi ? On régule, on souffle et on s'éloigne, on change de pièce et on essaye de dire, OK, on en parle plus tard. On diffère la chose. Différer, ça n'a l'air de rien, mais c'est un merveilleux outil pour éviter d'aggraver la situation. Savoir dire, OK, stop, là, je sens que je ne suis pas en état, ou l'autre, j'ai l'impression que c'est trop difficile pour toi. Là, on est tous en souffrance. Donc, est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous plus tard, dans des bonnes conditions, où on n'est pas pressé et où on peut se poser? Et comme ça, on a aussi le temps de digérer, de réfléchir, à proposer des choses, etc. Donc, différer, ça n'a l'air de rien, mais c'est un outil très, très précieux. Ça permet de reformuler un peu ce qu'on ressent. Voilà, et de dire, alors là, j'ai pas le temps, donc je préfère te répondre par mail demain, ou je te promets que je te réponds dans la semaine. Déjà aussi, donner une échéance, c'est hyper rassurant pour l'autre. Et si moi, je suis dans le vert, je peux être en lucidité, c'est-à-dire faire attention à m'exprimer en jeu plutôt que tu. Donc dire, tu m'énerves, ou tu ne fais pas ce que j'attends de toi, tu n'es pas sérieux à mettre des jugements. Et si on arrive à parler en jeu, à dire « voilà, j'ai besoin d'une solution, je suis embêtée pour résoudre telle chose au travail » ou « je ne me sens pas soutenue », c'est pas du tout écouté pareil que le tu accusateur. Hein. Mmh. Quand on arrive à le faire, c'est vraiment chouette. Et puis quand on est dans le vert et que l'autre est dans le rouge, arriver à être dans l'écoute et dans la présence, c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant. L'écoute empathique dont on a déjà parlé, savoir émettre des hypothèses sur son émotion, est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es inquiet, et des hypothèses sur ses besoins, tu as besoin de soutien, tu as besoin de coopération, tu as besoin d'écoute, tu as besoin de temps, et là ça va aider à l'autre déjà à faire baisser. On n'a pas la solution là tout de suite, mais on va se mettre en condition pour favoriser le dialogue et toujours se souvenir la référence au cadre, quoi. Et donc, dans la prochaine chronique, tu vas nous détailler les différentes demandes ? Alors, comme on parle de situation de crise, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle les messages risqués. Ouais. C'est-à-dire que quand l'autre personne, l'interlocuteur, est dans la zone orange-rouge, les émotions sont fortes, il y a des choses qu'elle n'a pas besoin d'entendre. Il y a des choses qu'on peut avoir tendance naturellement à faire et qui sont contre-productives. Et j'aimerais vous en parler à la prochaine chronique. Eh bien, à la prochaine chronique. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.